Exercice 5, page 88. A. Je la trouve très laide. B. Je la trouve très chère. C. Je la trouve très maigre. D. Je le trouve très sain. E. Je le trouve très bien. F. Je le trouve très mince.